mettent un insolent. Ils font les faux culs, mais ils partent en mouvement. On se connaît pas, donc y'aura pas de halo. On se connaît pas, donc y'aura pas de halo. Yeah.